Mandex, it's been ages since I've heard you. It's been ages, Mandex. You were my friend from the one you did. You still? La vie s'école entre deux sur un Comment ça va, mes amis? Comment ça va, toi, Wendy? La vie, c'est quoi, trop de sous-aimer? Encore, dis-moi, c'est dans les parcs qu'on trouve des espoirs. La diversité des cultures dans cette radio, c'est moi et toi encore ici. Comment ça va, Wendy? Comment ça va la vie? Comment ça va tout ça? Dis-moi, c'est toi qui choisis cette chose ici, ou c'est des autres hommes? Les vents, est-ce que tu as encore à écouter les peurs? Dis-moi, Idi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe en Paris? Dis-moi, dis-moi, Idi, qu'est-ce qui se passe en Paris? La chanson d'Edith Piaf, c'est très bon. Dis-moi, dis-moi, Wendy, qu'est-ce qui se passe en Paris? En portugais, si tu veux, Wendy, en Paris. Seulement bienvenue ici, avec toi, mon vieux ami. Et le nom est toi. Oui, dit. On pense à le thé, Ratsko. On peut dire hello, Bena. On peut dire à tout merci. Musique, monsieur Wendy. C'est comme ça, et c'est comme si c'était pas chanter ici. Wendy, Wendy, you get what you're given. Thank you. Lena, donnez-moi le piano. Merci. Ah, Ben is in bass. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ortho? C'était vous chanter? Allez, Wendy, dis-moi quelque chose de Paris, s'il vous plaît. Chanter en portugais. Ouais, ça va bien. You know, guys, that we D, while we were at the pandemic time in the COVID, he always had those beautiful house parties, like he didn't give a fuck for COVID. And there's always a party going on. What's happened to your parties, we D? Tell us. Where did the people go? We want the parties back. Come on. Yeah. Bring all the people back. It's funny and it's good. It's happy. Gonna be me, gonna be you. Stories around me, and there's nothing I can do. All right, all I Well, it's just time for me to go, but thank you anyway. No. Merci beaucoup. No, gracias. Dankeschön. I don't know what more languages to say, but it's very nice to be with you here tonight. Muito obrigado, as we say in Portuguese. And até amanhã, which is see you tomorrow. You can repeat with me. Até amanhã. See you tomorrow. Much love to you. Getting late here. The noise is not bearable. Thank you. Bye bye. See you around. It's been a long time. Much love. Much love to you, Mendex. Am I able?

about you.